Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La direction et le personnel de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 61 ans, nous prenons plaisir de vous servir et c'est avec reconnaissance que nous vous remercions, clients, amis, pour votre support indéfectible. De la part de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année 2017. Le temps des fêtes est le moment idéal pour penser à ceux et celles qui font notre succès. Le bureau d'Arpenteur Jean-François Gagnon et Luc Hébert profitent de cette occasion pour remercier sa distinguée clientèle qui fait son succès. Et soyez assurés du même bon service pendant la prochaine année. Le bureau d'Arpenteur Jean-François Gagnon et Luc Hébert, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Elle est revenue de la Corée où elle a participé à deux Coupes du Monde. La tranche Asie, on pourrait parler de, ainsi en Chine et en Corée, c'est Marianne Saint-Gelais. Pour savoir un peu comment elle a trouvé son expérience, on lui parle. Salut Marie. Salut. Marie, comment qu'on se remet de... C'est quoi, c'est 14 heures de décalage horaire de plus? Ça doit être... Je sais que vous partez quelques jours avant là, pour vous familiariser, mais c'est jamais autant que... Autant que vous n'auriez besoin. Évidemment, on veut couper des dépenses, j'imagine. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est d'abord quand on arrive en Corée et en Chine, est-ce que c'est comment ça vous prend de temps avant d'être fonctionnel vraiment là? Oui, c'est difficile, mais partir en fait d'aller dans ce sens-là, donc nous à quitter vers l'Asie, c'est moins difficile que quand on revient. Écoute, je peux pas t'expliquer pourquoi, là, mais c'est moins difficile. Fait que, tu sais, déjà, on a ça dans nos poches, dans le sens que, oui, la compétition arrive déjà le vendredi, puis souvent, on arrive quasiment là, le samedi, là, voire le dimanche. Là, fait qu'on est seulement 5 jours d'avance. Il y en a que c'est plus long, mais souvent, c'est entre 2 et 3 jours bien s'acclimater. Okay. Puis souvent, on n'a plus rien là, rendu à la compétition. On dort bien, puis le sommeil est bien installé, là. Mais c'est pas évident. C'est sûr que c'est le plus gros facteur à gérer en termes de distractions additionnelles quand on voyage. Parce que l'Asie, comme tu as dit, en ce moment, avec le recul des heures, c'est 14 heures qu'on avait en Corée, 13 en Chine. Okay. Fait que, ouais, ça commençait à faire beaucoup, là. OK. Es-tu contente vraiment de tes deux prestations en Chine et en Corée? Oui, satisfait. C'est certain qu'en ce moment, tu sais... Depuis les dernières saisons, je suis très critique envers moi-même. Ouais. J'accepte peu de choses que la médaille d'or, mais en même temps, il y a des choses qui sont importantes de rappeler, qui sont importantes de me rappeler à moi, dans le sens que je vais pas toutes les gagner. Puis certainement, ceux que je vais pas gagner, ils vont m'apprendre beaucoup de choses. Je sais que je suis complète, je sais que je peux remporter ces médailles-là. C'est juste qu'à chaque fois, il y a des choses qui se passent. Puis c'est en même temps, c'est important que ça m'arrive maintenant. Comme ça, en vue des jeux, je vais avoir le plus d'expérience possible. Il y a eu une grosse erreur qui s'est passée au 500 en Corée. Ma finale A. Puis je pense que c'est ma plus grosse déception de ces 2 semaines-là. Mais sinon, évidemment, j'ai fait des bonnes courses. Au relais, on s'est bien repris aussi. On a vraiment dépassé nos limites à certains endroits. Mais j'ai réussi quand même à trouver des bons points positifs de ce week-end-là. OK. Quand tu dis « je suis critique puis je vise rien de moins que la médaille d'or », si tu vises-tu rien de moins que les médailles d'or dans les 3 disciplines? Je me suis trouvé à moi-même que je pouvais remporter chacune de ces distances-là. Maintenant, je suis assez polyvalente pour rêver à ça. C'est toujours la façon dont je le fais. C'est dans l'exécution. Ça vient avec de l'expérience aussi. Tu sais, maintenant, je sais que je peux gagner une course, que j'aie des jambes ou que j'aie pas de jambes. Tu sais, maintenant, j'ai assez d'expérience, puis je me connais assez bien pour faire des courses qui sont différentes d'une fois à l'autre. Fait que ça rend que la game est super intéressante aussi. Puis moi, ben ça c'est encore plus excitant parce que maintenant j'ai tellement plus de cordes à mon arc que j'avais avant. Puis ça fait que ben j'ai moins le droit à l'erreur aussi, mais souvent ben ça c'est plus positif que négatif. OK. On est à un an de Pyeongchang et des Jeux Olympiques. C'était la première fois que tu patinais sur cette nouvelle aréna-là où auront lieu les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une glace rapide? Est-ce que c'est une glace qui convient parfaitement à Marianne Saint-Gelin? Moi, j'ai beaucoup aimé la glace. Oui, c'est une glace qui est rapide. C'est une glace qui grippe beaucoup. Écoute, elle faisait pas mal aux jambes, mais elle agrippait. Ça veut dire que, dépendamment de ton profil de patineur, il y en a qui aimaient moins ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime que la glace morde sous mes lames. Je suis une personne de poussée et vraiment, je suis puissante sur chacune de mes poussées. Donc, j'ai besoin que la glace me tienne. Puis, écoute, comme tu as dit, c'est dans un an et demi, dans un an et quelques. Là, fait que la glace a le temps de changer du tout au tout. Là. Mais première impression, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'environnement. La Corée, c'est bien. C'est vraiment un beau pays à aller. Oui, c'est loin, mais il reste que les gens sont agréables. La nourriture est bonne. L'air est respirable. Fait que ça reste un climat qui est le fun puis qui va être chaleureux, je pense, à l'avenue des Jeux. Là. C'est un peuple gentil aussi, hein? Ah, extrêmement respectueux. Des fans qui sont, my God, tellement intenses, mais à la fois tellement respectueux. Mais vraiment, là, pour que les gens se situent un petit peu, le patinage de vitesse en Corée du Sud, c'est leur sport national. C'est l'équivalent du hockey au Canada, là. Okay. Fait que c'est extrêmement populaire. Les gens nous connaissent. Écoute, Charles est plus populaire en Corée qu'il l'est au Canada. Là. C'est une vedette. Là. C'est vraiment impressionnant à quel point les gens... Écoute, c'est un aréna qui peut contenir 10 000 personnes. Puis on n'était pas loin du sold-out pour la fin de semaine. Là. L'aréna était pleine à craquer. Là. C'était complètement débile. Okay. Fait que vraiment... on a eu un avant-goût là, de ce qui nous attendait... Là, dans un an. Ça va être vraiment particulier, là. Ça va être les Olympiques, ça va être encore un step, sinon deux steps de plus qu'une Coupe du Monde. D'aller là, ça va être excitant pour... Tu décris ça, et puis là, tu vas être dans le contexte olympique. Là. Ça va être le monde entier, puis déjà, c'était excitant d'aller à Pyeongchang, donc ça va être... ça devrait être particulier pour les athlètes, au moins, là. Ben oui, les Olympiques, c'est la compétition qu'on attend. Effectivement. On se prépare pour ça. C'est notre rendez-vous aux 4 ans. Fait que c'est certain que ça va rester un gros événement, mais je pense que c'est important que nous, on perde pas notre focus puis qu'on perde pas de vue justement ces objectifs-là. Parce que rentrer trop dans cette bulle olympique-là, je pense que des fois, c'est pas nous aider. Marie, parle-moi maintenant parle-moi en terminant des fêtes. Comment tu t'en viens? J'imagine que tu vas la passer à Saint-Félicien, j'imagine? Oui, exactement. On s'en vient le 23 au soir. OK. Donc, évidemment, tu vas passer la période des fêtes. Et par la suite, parce que je parlais avec François-Louis Roberge, ce ne sera pas une grosse période pour vous autres. Là, tout de suite, après le 15 janvier, c'est les sélections nationales. Évidemment, c'est moins important pour vous que peut-être les plus jeunes. Par contre, ce ne sera pas un gros repos, là. Non, ben c'est toujours la même histoire. Hein. On est habitué. Nos championnats canadiens arrivent vraiment tôt en janvier. Cette année, ils sont un petit peu plus que d'habitude. Mais non, je pense que c'est important. Il faut setter notre saison. Déjà, les championnats du monde sont en mars, donc on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre d'avoir un trop grand répit non plus. Mais en même temps, comme tu as dit, je pense que les championnats canadiens, c'est pas le même enjeu pour tout le monde. C'est important de se casser. On veut passer par la porte d'en avant parce que oui, on a des curriculum vitae qui peuvent nécessairement nous baquer. Puis c'est pas une compétition qui est risquée pour nous, mais il reste qu'on veut toujours faire des bonnes compétitions, on veut toujours donner notre 100%, puis c'est peut-être aussi mes derniers championnats canadiens que je vais avoir la chance de faire, donc je pense que c'est important que j'aimerais ça finir sur une bonne note aussi, puis ça reste une compétition importante, puis on faut toujours être prêt, puis il faut jamais rien négliger. Ouais. Ben Marie, joyeuse fête! Bonne année, beaucoup de santé, ça va être une année importante, c'est une année pré-olympique pour toi. Donc, on va te suivre de très, très près à partir du, encore une fois, de janvier. Ben, merci beaucoup. Je respecte à vous aussi. Notre athlète de Saint-Félicien, Marianne Saint-Gelais.